Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 1er juillet à la question de l'Agence télégraphique centrale de Corée pour accuser les États-Unis qui s'affairent à créer l'atmosphère de sanctions et de pression internationale contre la République populaire démocratique de Corée. Le 30 juin, les États-Unis ont tenu avec le Japon et la Corée du Sud une soi-disant séance d'information relative à l'application de la sanction illégale contre la République populaire démocratique de Corée au siège de l'ONU. Sans aucun mandat du secrétariat et du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont tenu un conciliabule avec leurs suivistes, ce qui est une lâcheté jamais connue dans l'histoire de l'ONU et un affront contre la société internationale. Comme nous avons affirmé plusieurs fois, les résolutions sur la sanction contre la République populaire démocratique de Corée adoptées par le Conseil de sécurité pour être utilisées au but politique sournois d'une certaine puissance et porter atteinte à la souveraineté et au droit à l'existence d'un État souverain sont dépourvues complètement de l'équité, de la légitimité et de la moralité. C'est pour cette raison que beaucoup de pays y tournent le dos et même le secrétariat de l'ONU refuse de donner l'explication sur la base juridique des résolutions sur la sanction contre la République populaire démocratique de Corée, bien que les États-Unis font l'impossible à la tête pour favoriser la sanction avec certains États serviles. Vu que la résolution illégitime sur la sanction contre la République populaire démocratique de Corée adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU ne produit pas son effet, les États-Unis recourent à des mesures de sanctions unilatérales et incitent le Japon, la Corée du Sud et autres forces serviles à faire des tournées dans divers pays pour forcer à rompre les relations régulières de commerce économique et même les rapports diplomatiques avec notre pays. Une telle action infantile et grossière fait l'objet de l'ironie au niveau international, et cela est bien naturel. C'est une erreur de penser que les pressions et sanctions produiront leur effet à notre pays qui prend de l'essor par la capacité de se renforcer soi-même. Plus les États-Unis accentuent la menace nucléaire et la sanction, plus nous renforcerons la dissuasion nucléaire sur les plans qualitatifs et quantitatifs.